Chapitre 9e. La vengeance du capitaine Arundel. Edward Arundel rentra dans sa demeure solitaire avec un projet bien arrêté dans son esprit. Il quitterait le Lincolnshire, et cela immédiatement. Il n'avait aucun motif pour rester. Il se peut même qu'il eût un puissant motif pour s'éloigner des environs de Lawford Grange. Il y avait un danger caché dans le voisinage de cette agréable et antique maison de campagne et des nombreuses demoiselles aux yeux bleus qui l'habitaient. « Je dirai adieu pour toujours, Lincolnshire, » se dit encore une fois Edward Arundel en revenant chez lui à la clarté du crépuscule d'octobre. « Mais avant mon départ, tout le pays saura ce que je pense de Paul Marchmont. » Il serra les poings et grinça les dents involontairement en parlant ainsi. Il faisait tout à fait nuit quand il pénétra dans son humble salon de Campbelling Retreat par la porte vitrée construite à l'ancienne mode. Il parcourut du regard la petite chambre qui avait été meublée 40 ans auparavant par le propriétaire du cottage. Il avait servi à tant de locataires successivement qu'il semblait que les chaises à barreaux mobiles et les tables eussent diminué de grosseur à force d'usage. Il regarda cette simple chambre éclairée par un feu pétillant et deux bougies plantées dans d'antiques chandeliers d'argent. La lueur rouge du foyer vacillait et tremblait sur les roses peintes des murs, sur les vieilles estampes dont les cadres grossiers imitaient l'ébène et sur les moulures ternies. Un service à thé en argent et une tasse en porcelaine de Sèvres, ainsi que sa soucoupe que Mrs. Arundel avait envoyée au cottage pour l'usage de son fils, se trouvaient sur une petite table ovale, et un chien courant à robe brune, qui était le favori du jeune homme, était allongé sur le tapis du foyer avec le museau entre les pattes et les yeux fixés sur la flamme. Tandis que M. Arundel, debout sur le seuil de la porte, contemplait tous ces objets, une image se dressa devant lui, aussi vive et distincte que n'importe quelle apparition due au système Pepper, et il pensa à ce que cette chambre de cottage très ordinaire aurait pu être si sa jeune femme eût vécu. Il se la représentait courbée au-dessus de la théière en argent, la théière ventrue et informe qui se dressait sur trois pieds noueux et bizarres, et avait été depuis longtemps bannie de la table du déjeuner de Dangerfield, comme tout à fait rococo et ridicule. Il évoqua la chère figure de la morte avec ses faibles rougeurs colorant sa pâleur de lys et ses doux yeux bruns qui le regardaient à travers la vapeur de la table à thé, innocent et vierge comme les yeux de cette nymphe de la mythologie qui ne voulait pas se montrer au vieux roi romain. Comme elle aurait été heureuse, comme elle aurait volontiers donné fortune et sang pour vivre à tout jamais dans cet étrange et vieux cottage et s'occuper de celui qu'elle aimait. Au bout d'un moment, la figure changea. Les cheveux bruns prirent tout à coup une teinte d'or en pépite, les yeux bruns devinrent bleus et brillants, et les joues se parèrent des couleurs de la rose. Le jeune homme fronça les sourcils à cette vision nouvelle et plus brillante, mais il la contempla gravement pendant quelques instants, puis il poussa un long soupir qui exprimait en quelque sorte un grand soulagement. « Non, se dit-il, je ne suis pas infidèle à la mémoire de ma pauvre femme, je ne l'oublie pas. Son image m'est plus chère que celle de toute créature vivante. L'ombre plaintive de sa figure m'est plus précieuse que la plus radieuse réalité. » Il s'assit sur l'une des chaises à barreaux mobiles et se versa une tasse de thé. Il la but lentement, les yeux rivés sur la flamme pendant qu'il savourait l'inoffensif breuvage, et il ne daigna pas faire attention aux caresses de son chien brun. Il va mettre son museau froid dans la main de son maître et remua la queue sur le tapis comme s'il évoquait un esprit frappeur. Après le thé, le jeune homme sonna et Morrison apparut. « Ai-je des vêtements avec lesquels je puisse chasser, Morrison ?» demanda M. Arundel. Son factotum eut l'air stupéfait en entendant cette question. « Vous n'allez pas chasser, je pense, M. Edward, » répliqua-t-il d'un ton inquiet et interrogateur. « Qu'importe, je vous ai questionné sur mes habits et je veux une réponse catégorique. « Mais, M. Edward, » observa le vieux valet, « je n'ai pas eu l'intention de vous offenser. » Et les chevaux sont de drôles d'animaux dans leur genre. Mais si vous pensez parcourir la campagne, et elle est joliment raide, d'après ce que j'ai entendu dire, à cause des palissades et des haies, aucun de vos deux chevaux ne pourra vous servir. Ils ne sont pas plus coureurs que moi. Je le sais aussi bien que vous, répondit froidement Edward Arundel, mais je vais au rendez-vous de chasse de Marchmont Towers demain matin, et je veux que vous me cherchiez des habits convenables. Cela suffit. Vous ferez sceller Desperado un peu après 11 heures. Morrison parut encore plus étonné qu'auparavant. Il connaissait l'inimitié sauvage de son maître envers Paul Marchmont, et pourtant ce même maître parlait résolument d'aller se joindre à une réunion qui avait pour but spécial de faire honneur à ce Paul Marchmont. Toutefois, ainsi qu'il en fit la remarque aux deux autres serviteurs avec lesquels il daignait parfois se montrer familier, il n'avait pas le droit de s'interposer ou de questionner, et en vertu de ce motif, il s'était tu. Peut-être cette réticence respectueuse était-elle plutôt le résultat de la prudence que d'un penchant naturel, car il y avait ce soir-là, dans les yeux d'Edward Arundel, un éclat dangereux que Morrison n'avait jamais remarqué auparavant. Le factotum parla de cette lueur sinistre quand la soirée fut un peu plus avancée. « Je crois réellement, observa-t-il, que soit à cause de la mort de cette jeune femme, ou bien de la solitude de cette triste habitation, ou encore du temps pluvieux, qui justifie pleinement les paroles de ceux qui prétendent qu'il pleut toujours dans le Lincolnshire, mon pauvre jeune maître n'est plus l'homme qu'il était. » Il se frappa le front gravement pour donner du poids à sa remarque et soupira profondément après avoir bu la bière de son souper. Le soleil brilla pour Paul Marchmont dans la matinée du 18 octobre. Les rayons d'automne pénétrèrent dans sa chambre à coucher et éveillèrent le nouveau maître de Marchmont Towers. Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il se redressa parmi les oreillers de duvet et contempla, à moitié endormi, les figures de la tapisserie. Il avait rêvé de sa pauvreté et s'était disputé pour la taxe des pauvres avec un collecteur impertinent dans l'obscur corridor de la maison de Charlotte Street, Fitzroy Square. Ah, cette horrible maison avait été si longtemps le seul théâtre de sa vie qu'elle faisait presque partie de son esprit et le hantait perpétuellement dans son sommeil comme un cauchemar de briques et de mortier, maintenant qu'il était riche et l'avait quitté pour toujours. M. Marchmont frissonna légèrement et secoua l'influence d'un mauvais rêve. Ensuite, s'enfonçant dans les oreillers, il s'amusa à admirer sa nouvelle chambre. C'était une jolie chambre, assurément, la vraie chambre d'un artiste et d'un sybarite. M. Marchmont ne l'avait choisie qu'après mûre réflexion. Elle était située dans un angle de la maison, et quoique les fenêtres principales fussent percées à l'ouest, puisqu'elles se trouvaient immédiatement au-dessus du salon occidental, il existait une autre ouverture, une grande fenêtre en œil de bœuf, qui faisait face à l'Orient et laissait entrer le soleil dans tout son éclat à travers des vitres coloriées sur lesquelles les cuissons des Marchmont étaient peints en couleurs éclatantes, saphir et rubis, émeraude et topaze, améthyste et aigmarine. De brillantes plaques de ces couleurs reluisaient et étincelaient sur le parquet en chêne poli et se confondaient avec l'éclat oriental d'un tapis de Perse étendu à côté du lit arabe dont les rides roses traînaient jusqu'à terre. Paul Marchmont aimait la splendeur et se proposait d'en avoir autant que sa fortune pouvait lui en procurer. Il y avait dans toutes ces belles choses un plaisir voluptueux qu'un parvenu seul pouvait sentir, c'était le contraste frappant entre les magnificences du présent et la misère du passé qui donnait du piquant au charme qu'avait pour l'artiste cette habitation nouvelle. Tous les meubles et ornements de la chambre avaient été faits d'après les ordres de Paul Marchmont, mais sa principale beauté était la tapisserie qui couvrait les murs, tapisserie qui avait été faite de 150 ans auparavant par une patiente châtelaine de la maison de Marchmont. Cette tapisserie couvrait entièrement la chambre. La porte basse avait été découpée dans l'un des pans, de sorte qu'un étranger entrant dans l'appartement le soir, un peu sous l'influence du vin de la cave de Marchmont et incapable de graver dans sa mémoire la topographie de la chambre, aurait été fort embarrassé pour trouver la sortie le lendemain matin. La plupart des chambres en tapisserie ont un certain air lugubre, qui est plus agréable pour le visiteur que pour la personne qui y habite. Mais dans cette tapisserie, les couleurs étaient encore presque aussi brillantes qu'à l'époque où les doigts qui avaient marié les différentes espèces de laine étaient encore chauds et flexibles. Les sujets aussi étaient d'un genre plus agréable que d'habitude. On n'y voyait pas de bandits à côte de maille ou de barbares vêtus de draperies, menaçant le dormeur inoffensif avec un bâton levé, ni d'horribles traits sur le point d'être lancés par de pesantes arbalètes, ni de sarrasins à l'air méchant, avec leurs yeux féroces et leurs visages cuivrés, qui fissent voltiger au-dessus de leur tête entourée du turban des cimetières homicides. Non, ici tout était gaieté champêtre et bonheur paisible. Des jeunes filles, en jupons courts et à cheveux blonds crêpés, dansaient devant de grands chats remplis de gerbes dorées. Des jeunes gens, en pourpoint rouge et pourpre, sautillaient en jouant du fifre et du tambourin. Les chevaux flamands qui traînaient le char pesant étaient parés de clochettes et de guirlandes, comme pour une fête champêtre, ils secouaient leurs crinières non étriées et caracolaient lourdement à l'imitation des jeunes garçons et des jeunes filles. Dans le lointain, de merveilleux villages laissaient peut-être à désirer comme perspective, mais en revanche, ils étaient éblouissants de fleurs, de toits à tuiles rouges, et ils s'élevaient dans un ciel tellement bleu que le plus enthousiaste pré-raphaélite n'oserait en coucher un pareil sur une toile devant figurer à l'Académie de Trafalgar Square. Paul Marchmont souriait aux danseurs et aux danseuses, aux chars encombrés, aux musiciens et aux villages impossibles. Il était d'humeur à être content de tout ce jour-là. Il regarda sa table de toilette, qui était en face de lui dans l'embrasure de la grande fenêtre, en œil de bœuf. Son balai, il avait un balai maintenant, avait ouvert le grand nécessaire incrusté, et les bords argentés réfléchissaient les couleurs rouges du velours de la draperie et donnaient alors une teinte de sang. D'étincelants flacons embertaillés présentaient un millier de facettes au soleil du matin et se dressaient comme des obélisques en cristal parmi une foule de brosses en ivoire sculptées et des pots de pommade en vraie sèvre. Une fleur de serre, blanche et fragile, sortait d'un vase en cristal à collet lancé et était entourée par derrière de feuilles sombres et brillantes. « Ceci vaut mieux que Charlotte Street, Fitzroy Square. » dit Miss Marchmont, reprenant la position horizontale, jusqu'au moment où son balai lui apporterait une tasse de thé pour rafraîchir et en même temps ragaillardir ses nerfs. « Je me souviens du papier de ma chambre, des hexagones marrons et des carrés jaunes sur un fond brun, bien joli. Et puis la table de toilette de bois blanc, gracieusement construite, avec un tiroir mal raboté dans lequel mes rasoirs sonnaient comme des castagnettes quand j'essayais de l'ouvrir. Une table délicieuse, délicieusement peinte par bandes, olive verte sur couleur de pierre relevée par le brun favori. Oh, c'était une nuit des plus gaies. Mais c'est fini, Dieu merci, c'est fini. M. Marchmont remercia la Providence aussi dévotement que s'il eût attendu le plus patiemment du monde le bon plaisir divin. Il n'avait pas un seul instant songé à aider de ses machinations impies les mystérieux desseins du Tout-Puissant. Le soleil brillait sur le nouveau maître de Marchmont Towers. Cette belle matinée d'octobre n'était pas précisément des meilleures pour la chasse, car il venait du nord une fraîche brise et le ciel était sans nuages. Mais c'était le temps le plus agréable pour le déjeuner, le rendez-vous sur la pelouse et tous les charmants préliminaires de la partie de chasse. M. Paul Marchmont, qui était cockney pur sang, s'inquiétait fort peu de la chasse en voyant le soleil l'inonder de sa lumière. Il songeait seulement que le soleil brillait sur lui et qu'il était enfin arrivé, peu importait par quelle voie détournée, à la réalisation de son grand rêve. Il allait être heureux et prospère le reste de sa vie. Il but son thé, puis se leva et s'habilla. Il revêtit l'habit rouge de tenue des culottes en peau de daim d'une blancheur irréprochable, chaussa des bottes à glands du dernier genre, et s'admira beaucoup dans la glace quand sa toilette fut achevée. Il avait mis ce costume pour la satisfaction de sa vanité, plutôt que dans une intention sérieuse de faire ce dont il se sentait aussi incapable que de devenir un moderne Rubens ou un nouveau Raphaël. Il recevrait ses amis en ce costume, chevaucherait jusqu'au lancer, et suivrait les chiens peut-être, un bout de chemin. En tout cas, c'était chose délicieuse pour lui de jouer gentleman campagnard. Il ne s'était jamais senti aussi gentleman qu'en ce moment où il se contemplait de la tête aux pieds dans son costume de chasse. À 10 heures, les invités commencèrent à arriver. Le départ ne devait avoir lieu qu'à midi. On avait donc tout le temps nécessaire pour déjeuner. Je ne crois pas que Paul Marchmont eût jamais réellement su ce qui se passa à cette longue table où il s'assit pour la première fois à la place de l'hôte et du maître de la maison. Il fut enivré dès le début par le sentiment du triomphe et du bonheur de sa position nouvelle. Il but beaucoup, car il but sans y prendre garde, vidant son verre chaque fois qu'il était rempli, et ne sachant pas qui le lui remplissait ou ce qu'on lui versait. De cette façon, il absorba une quantité très considérable de vin pétillant et capiteux, qui était tantôt du vin du Rhin, tantôt du vin de la Moselle, et très souvent du vin de Champagne, sans parler des crus d'Allemagne à nom impossible à prononcer, et de ceux de la Bourgogne. Mais il n'était pas ivre à la manière ordinaire des mortels. Il ne pouvait l'être ce jour-là. Il n'était pas abruti ou assoupi, ni faible sur ses jambes. Il était seulement très surexcité et regardait tout à travers un prisme éblouissant, comme si l'or de sa nouvelle fortune eût été fondu dans l'atmosphère. Il savait que le déjeuner était un grand succès, que la longue table était couverte de tous les comestibles recherchés, que la science d'un cordon bleu de premier choix, sans qu'il soit question de Fortnum et Mason, pouvait inventer, que la profusion d'argenterie splendide, de porcelaine coûteuse, de fleurs exotiques et de soleil, faisait une masse confuse de couleurs étincelantes et variées qu'éblouissaient les yeux lorsqu'on les tournait de ce côté. Il savait que tout le monde le courtisait et le flattait, et qu'il était presque suffoqué par le sentiment écrasant de sa propre grandeur. Peut-être ce sentiment fut-il éprouvé par lui dans sa plus grande force au moment où un certain magistrat du comté, membre du parlement et grand propriétaire, se leva, ému par le champagne et la langue un peu plus épaisse qu'il ne convenait à un homme ayant l'intention d'assister à l'Alali dans l'après-midi, saisit l'occasion de exprimer en quelques mots le très grand plaisir qu'il, oh oui, pensa qu'il pouvait se risquer à remarquer que tout le monde autour de lui éprouvait en cette très intéressante occasion et continua sur ce ton un speech qui demanda du temps, mais dont le résumé était que tous ces gentlemen campagnards présents étaient tellement ravis de la nouvelle addition à leur cercle et si complètement charmés de M. Paul Marchmont que réellement, ils ne savaient de quelle façon expliquer comment ils avaient pu supporter l'existence sans lui. Et ensuite, il y eut bon nombre de fort peu nécessaires, mais très enthousiastes tapotements sur la table où les verres de prix tintèrent et les fleurs exotiques tremblèrent au milieu du bruit musical des fourchettes et des cuillères en argent, pendant que les chasseurs déclaraient en chœur que le nouveau maître de Marchmont Towers était un bon enfant très gai. Pour ce qui était de sa gaieté, personne ne pouvait le nier. Ce n'était pas une démonstration très élégante, mais elle était cordiale. Et puis tous ces bruyants chasseurs étaient des hommes marquants dans le comté, et ce qui prouve que l'artiste était vraiment vaniteux, c'est que les voix épaisses de ces hommes à moitié ivres lui furent plus agréables que les 12 voix de soprano d'un nombre égal de Patty, chantant des Patty pauvres et obscures, chantant ses louanges. Il était enfin sorti de cette vie d'artiste où il avait toujours rampé, pas tant à cause du manque de talent que de sa petitesse d'âme, pour entrer dans une nouvelle sphère où chacun était riche, grand et prospère, et où les sentiers à suivre étaient jonchés agréablement d'esclaves prosternés sous forme de grooms, balais, domestiques et fournisseurs respectueux. Oui, Paul Marchmont était plus ivre qu'aucun de ses invités, mais son ivresse était d'un genre différent de la leur. Ce n'était pas le vin, mais sa grandeur qui l'enivrait et le stupéfiait. Ces chasseurs pourraient dissiper leur ivresse en une demi-heure ou à peu près, mais la sienne durerait longtemps, à moins qu'il ne reçût quelques secousses assez violentes pour le ramener à l'état de calme. En attendant, les chiens hurlaient et aboyaient sur la pelouse, et les piqueurs couraient de l'avenue à l'office, dévorant des tranches de bœuf et de jambon, une livre un quart environ à chaque séance, ou rongeant des os de jeunes poulets, dont ils ne faisaient qu'une demi-douzaine de bouchées, même quand il leur en tombait sous la dent quelques-uns de vieux, ou fouillant dans les profondeurs de quelques pâtés de gibier, ou buvant d'un trait un quart d'ale forte ou une demi-mesure de brandy pur en passant. Tout cela, et autre chose encore du même genre, ne servait qu'à tuer le temps jusqu'au moment où les gentlemen paraîtraient sur la vaste terrasse en pierre. Il était midi et demi, et les convives de M. Marchmont étaient toujours à boire et à discourir. Ils avaient été bien souvent sur le point de faire une motion de départ, mais il était arrivé chaque fois que quelques gentlemen, très calmes jusqu'alors, s'étaient levés tout à coup et avait fait entendre le bruit de gosier de quelqu'un qui avale en s'essuyant la bouche avec sa serviette, ce qui signifiait qu'il allait proposer la santé de quelqu'un. Ceci avait considérablement allongé le déjeuner, et il semblait probable qu'on oublierait tout à fait l'affaire importante de la journée. Mais à midi et demi, le magnat du comté, qui avait souhaité majestueusement la bienvenue à Paul Marchmont, se souvint qu'il y avait 20 couples de chiens impatients qui grattaient la pelouse en face des longues fenêtres de la salle du banquet, tandis qu'un nombre égal de jeunes fermiers, de robustes laboureurs, de bouchers à leur aise, une bande de gens sans aveu, attendaient que la chasse commençât. Enfin, dis-je, Sir Lionel Beauport se souvint de tout cela et ouvrit la marche vers la terrasse, laissant les renégats s'allonger sur les confortables sofas disséminés çà et là dans les chambres spacieuses. Alors, la lugubre façade en pierre de la maison resplendit tout à coup. La longue terrasse s'illumina des reflets rouges des habits des chasseurs, sur lesquels tranchaient çà et là un peu de brun foncé ou de vert. Parmi tous ces vigoureux gentlemen campagnards au teint fleuri, Paul Marchmont, le héros du moment très élégant, très pittoresque, mais n'ayant pas du tout l'allure d'un chasseur, descendit lentement le grand escalier au milieu des acclamations de la foule, des aboiements des chiens et du son d'un cor dans le lointain. C'était là l'apogée de sa vie, le moment dont il avait rêvé bien des fois à l'époque de sa misère, de sa pauvreté et de son obscurité. Ce tableau avait à peine pour lui l'attrait de la nouveauté. Il se l'était figuré si souvent, en imagination. Il avait si souvent entendu les cris et vu la foule respectueuse. Il n'existait qu'une seule petite différence dans les détails et c'était tout. Il n'y avait pas de désappointement, de déception dans la réalité, comme cela arrive si fréquemment lorsque nos plus beaux rêves se réalisent et que notre désir suprême est exaucé. Non, la fortune était bien à lui, et elle valait effectivement les sacrifices qu'elle lui avait coûtés. Il releva la tête et vit sa mère et ses sœurs à la grande fenêtre au-dessus du porche. Il put remarquer la fierté orgueilleuse de la pâle figure de sa mère et le seul bon sentiment de sa nature, son amour pour les femmes qui comptaient sur lui, agita légèrement son cœur au milieu du tumulte de l'ambition satisfaite et de la joie égoïste. Cette goutte de plaisir, où n'entrait pour rien l'égoïsme, remplit la coupe jusqu'au bord. Il ôta son chapeau, et l'élevant au-dessus de sa tête, il l'inclina pour répondre aux acclamations de la foule. Il s'était arrêté à moitié chemin de la descente pour faire ce salut. Il agitait son chapeau, et les hommes devenaient plus bruyants et des musiciens, placés de l'autre côté de la pelouse, jouait cette marche familière et triomphante que l'on suppose applicable à tout héros vivant depuis un Wellington rentrant de Waterloo jusqu'au vainqueur d'une régate ou à un propriétaire patenté et conservateur nouvellement élu par des électeurs qui admirent ses principes. Il ne manquait rien au succès. Je crois qu'en ce moment suprême, Paul Marchmont oublia tout à fait les voies tortueuses et périlleuses par lesquelles il était arrivé à son but glorieux. Je ne suppose pas que les jeunes princes étouffés dans la tour aient jamais été plus présents à la mémoire du tyran Richard que lorsque le meurtrier usurpateur barbotait dans la boue du marais à Bosworth et savait que la grande partie où il jouait sa vie était perdue. Ce ne fut que lorsque Henri VIII lui enleva les sceaux que Wolsey fut à même de voir la folie de l'ambition de l'homme. En ce moment, la mémoire et la conscience, qui n'étaient jamais bien éveillées chez Paul Marchmont, dormaient d'un profond sommeil et laissaient régner à leur place le triomphe et la joie. Non, il ne manquait rien au succès. Cette gloire et cette grandeur rachetaient mille fois la patience et l'abnégation dont il avait fait preuve durant l'année passée. Il se tourna à demi pour voir ses figures animées à la fenêtre. Grand Dieu ! Il aperçut la figure de sa sœur Lavinia, non plus triomphante et gaie, mais horriblement pâle et se fixant sur quelque chose d'affreux dans la foule. Paul Marchmont fit volte-face sur cet affreux quelque chose dont la vue avait le pouvoir de changer la physionomie de sa sœur, et il se trouva face à face avec un jeune homme dont les yeux brillaient comme des charbons, dont les joues étaient blanches comme une feuille de papier, et dont les lèvres rigides étaient aussi étroitement serrées que si elles eussent été sculptées dans un bloc de granit. Cet homme était Richard Arundel, le jeune veuf, le beau soldat, que tout le monde connaissait pour le mari de la pauvre Mary Marchmont. Il s'était élancé hors de la foule, il n'y avait qu'un instant, et il avait gravi les marches de l'escalier avant que personne eût le temps de l'arrêter ou d'intervenir auprès de lui. Il semblait à Paul Marchmont que son ennemi sortait de terre, tant son arrivée fut prompte et inattendue. Il se tenait sur la marche au-dessous de celle où était l'artiste, mais comme les marches n'étaient pas hautes et qu'il avait un demi-pied de plus que Paul, les figures des deux hommes étaient à hauteur égale et se trouvaient face à face. Le soldat tenait en main un pesant fouet de chasse qui n'était pas un objet de luxe car, malgré son pommeau doré, le manche solide était en corne de serre et la lanière était en cuir. Il tenait dans sa robuste main droite ce fouet dont la lanière était enroulée autour du manche et allongeant son bras gauche et nerveux et musculeux comme celui d'un jeune gladiateur, il saisit Paul Marchmont par le collet de cet habit écarlate à coupe élégante que l'artiste avait tant admiré le matin dans la glace. Il eut une exclamation de surprise et de consternation parmi les gentlemen de la terrasse et la foule sur la pelouse. Un cri aigu partit de la fenêtre des femmes, et l'instant d'après, Paul Marchmont se tordait sous une grêle de coups de fouet que faisait pleuvoir sur lui Edward Arundel. L'artiste n'avait pas le courage physique, cependant il n'était pas assez lâche pour se soumettre sans résistance à cette hideuse humiliation. Mais l'attaque fut si soudaine et si inattendue qu'elle le paralysa, et l'exécution en fut si rapide qu'il n'eut pas le temps de s'y opposer. Avant que sa présence d'esprit lui fût revenue, avant qu'il sût ce que signifiait la présence d'Edward Arundel en ce lieu, même avant qu'il eût la conscience de sa présence, la chose fut faite, il fut déshonoré pour toujours. Il était tombé en ce seul moment de toute la hauteur de sa nouvelle grandeur au dernier échelon de la dégradation sociale. « Gentlemen !» s'écria Edward Arundel à haute voix pour se faire entendre distinctement de la foule qui regardait la bouche béante. « Quand la loi du pays permet à un misérable de prospérer, les honnêtes gens doivent se faire justice. Je voulais vous faire connaître mon opinion sur le nouveau maître de Marchmont Towers et je crois l'avoir exprimé assez clairement. Je sais qu'il est un coquin fieffé et je vous avertis qu'il n'est pas un compagnon convenable pour d'honnêtes gens. Bonjour !» Edward Arundel souleva son chapeau, salua l'assemblée et redescendit l'escalier. Paul Marchmont, livide, l'écume à la bouche, courut après lui en brandissant son poing fermé et gesticulant dans sa rage impuissante. Mais le cheval du jeune homme attendait à quelques pas de la terrasse sous la garde d'un apprenti boucher et il fut en selle avant que l'artiste le rattrapait. « Je ne quitterai pas Camberling de 8 jours, monsieur Marchmont » cria-t-il. Puis il lança son cheval en se tenant droit comme une pique et jetant à la foule un regard de défi. Je suis fâché d'avoir constaté que la populace anglaise est d'un naturel inconstant. Mais mon devoir m'oblige à avouer qu'un grand nombre des robustes laboureurs qui avaient mangé les pâtés de gibier et bu les liqueurs fortes de Paul Marchmont, il y avait une demi-heure à peine, furent assez vifs pour ressentir une admiration involontaire pour Edward Arundel pendant qu'il s'éloignait lentement la tête haute et les yeux étincelants. La sympathie véritable n'est généralement pas très grande pour un homme qui a reçu des coups de fouet. Le public est tout disposé à croire que celui qui inflige le châtiment a de bonnes raisons pour cela. Il est vrai que les fermiers, surtout ceux dont les baux étaient près de finir, montrèrent beaucoup d'indignation contre M. Arundel, et un des plus audacieux fit mine de saisir la bride de son cheval quand il passa devant lui. Mais le sentiment général était en faveur de l'agresseur, et la cordialité manquait même dans les plus brillantes expressions de sympathie. La foule fit place à Paul Marchmont quand il retourna vers la maison, pâle, impuissant et étouffant de honte. Plusieurs des gentlemen réunis sur la terrasse vinrent lui serrer la main, lui exprimer leur indignation et offrir les services d'amis dont il pourrait avoir besoin plus tard, tels que de lui servir de second, s'il choisissait l'ancien système de représailles, ou de témoin contre Edward Arundel en police correctionnelle, si M. Marchmont aimait mieux recourir à la loi. Mais ces gentlemen eux-mêmes reculèrent en sentant la sueur froide des mains de l'artiste. Ils virent qu'il avait eu peur. Ces solides et bruyants chasseurs, qui bravaient un danger de mort soudaine chaque fois qu'ils partaient pour la chasse, avaient un souverain mépris pour un homme qui pouvait avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. Ils ne faisaient aucune concession à l'éducation de Cockney de Paul Marchmont. Ils n'étaient pas dans les sombres secrets de sa vie et ne savaient rien de sa conscience coupable. Or, c'était là ce qui l'avait rendu aussi faible qu'un enfant sous l'étreinte vigoureuse d'Edward Arundel. Aussi, après cet étalage politique de sympathie, tous les invités du nouveau riche s'éloignèrent un à un, et les chiens qui aboyaient, les chevaux qui piaffaient, disparurent de la pelouse de Marchmont Towers. Le bruit des fanfares et des voix de la foule s'éteignit dans le lointain, et la gloire de la journée s'évanouit. Paul Marchmont se traîna lentement jusqu'à cette somptueuse chambre à coucher qu'il avait quittée quelques heures auparavant, et s'étendant de tout son long sur son lit, il sanglota comme un enfant effrayé. Il était saisi de terreur, non pas à cause des coups de fouet, mais à cause d'une phrase qu'Edward Arundel avait murmurée à son oreille pendant qu'il le frappait. « Je sais tout », avait dit le jeune homme, « je connais les secrets que vous cachez dans le pavillon sur le bord de l'eau ».